Join me on R.I.P. R.I.P. Oh, la partie, c'est un contre de l'exo. R.I.P. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 522 et nous sommes aujourd'hui le 9 février 2022 aussi. C'est un hasard, ça n'a aucun rapport avec la 522. Bref, l'album de la semaine que je vous ai choisi pour ce soir, c'est l'album Wild Life de Paul McCartney en 1971. On écoutera Bebop, on écoutera Tomorrow, Wild Life, Dear Friend, Some People Never Know, et aussi When the Wind is Blowing, qui était pendant très très longtemps un inédit, mais qui apparaît sur le remaster de cet album Wings Wildlife, et je vous le conseille, c'est plutôt sympa. Je l'avais pendant un certain temps, fait pendant une émission, et comme on a un enregistrement très très bien en vrai, quoi, en légal, on va dire, eh bien on passera le légal vers la fin de l'émission. Voilà, il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Love sur Plastic Ono Band. George Harrison nous chantera Give Me Love aussi. Give Me Peace on Earth. On n'en a jamais assez. Ringo Starr, ce sera I'm a Fool to Care. Vous savez, l'album de chansons de vieillerie qu'il a fait pour faire plaisir à sa maman, en 1970. L'album Sentimental Journey. Très bon album. Et puis les Beatles, nous chanterons Magical Mystery Tour. Pour le reste, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et peut-être 2 minutes. Et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, le petit topic qui est tout en haut, avec l'image de... D'abord, il y a La Saga 522 et également l'image de l'album de la semaine qui est l'album Wildlife de Paul McCartney. Je vous laisse un petit peu avec la fin de l'enregistrement et on se retrouve juste après. La fin de l'enregistrement, il fallait comprendre la fin du générique. Ah ouais, je suis pas réveillé, ça m'arrive quelquefois. Bref, on démarre avec Bebop. Moi, chanson que j'aime bien, chanson que Paul McCartney n'aime pas tellement. Il estime qu'il ne l'a pas vraiment fini, cette chanson-là. Mais elle a inspiré quand même Souchon et Woolsey avec J'ai 10 ans. Réfléchissez, rappelez-vous. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans, etc. Sa version intégrale avec le Bebop Link qui est en fin d'album sur la reprise. Réalisé en à peine 15 jours et mis en vente en un temps record, Wildlife marque la naissance du groupe Wings dont les débuts chaotiques ne laissent en rien présager l'avenir radieux qu'il attendait. Il conjugue deux nécessités qui s'imposèrent à l'esprit encore fragilisé de McCartney. Mettre sur pied un groupe pour reprendre des tournées et renouer le contact avec un public dont il s'est coupé physiquement depuis presque 6 ans. Et retrouver la spontanéité primitive du rock, comme il fait à chaque fois qu'il se sent mis en difficulté. D'où la rapidité avec laquelle le projet fut mis à pied. Fut mis sur pied, c'est mieux. Donc répétition hâtive, enregistrement éclair et départ du groupe pour une tournée improvisée carrément dans les universités britanniques. À ses côtés, le batteur Denny Sewell, déjà présent sur l'album Ram, Denny Lane, guitariste et chanteur des Moody Blues à leur début, et sa femme Linda au clavier. Avec seulement 8 titres mis en boîte, je l'ai dit, et mixés en moins de 15 jours, Wildlife fut souvent qualifié d'album bâclé, et il connut un succès très mitigé en regard de la notoriété de son auteur. Il faut bien dire que rien n'avait été fait pour en profiter. Le nom de McCartney ne figure nulle part sur la pochette, et aucun marketing sérieux n'avait appuyé la commercialisation hâtive de l'album. La presse musicale se montra sans indulgence à son égard et les radios le programmèrent très peu puisqu'aucun single n'en fut extrait en Europe et aux États-Unis. Malgré cette fâcheuse conjugaison de faiblesses, Wildlife demeure toutefois un album singulier qui, étonnamment, accusera moins le poids des ans que certains de ses successeurs. Son charme aurait même tendance à se bonifier avec le temps. Comme chacun de ses albums, il recèle de quelques perles telle la reprise de Love is Strange, un ancien hit de la fin des années 50, adapté ici sur un rythmique reggae, ou encore Tomorrow, une très mélodieuse supplique et amoureuse sucrée à souhait. Télégramme sonore et main tendue à destination de John Lennon, Dear Friend est l'un des temps forts du disque. Son tempo très lent, sa tension contenue, son climat brumeux et les intonations mélancoliques de la voix de Paul en font un titre profondément touchant et assez unique dans le répertoire de son auteur. Voilà ce qu'on va dire pour l'instant sur ce premier titre. Et on continue avec Love, la chanson d'amour de John Lennon sur l'album Plastic Ono Band. Thank you. Sorti en 1980. Il ne dit pas grand-chose, George, au sujet de cette chanson-là. Il dit « Give me love ». Quelquefois, tu ouvres ta bouche et tu ne sais pas trop ce que tu vas dire. Et quoi qu'il sorte, ça va être un point de départ. Si ça marche bien, ben, t'as du bol. Et quelquefois, ça peut devenir une chanson. Cette chanson, c'est une prière et un état personnel entre moi, le Seigneur et quiconque qui aime ce genre de truc-là. Bon, c'est sympa. J'aurais pu en dire plus, mais bon, c'est pas mal. Voici Ringo Starr sur RLG. I'm a fool to care when you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry when you tell me goodbye. So blue when you were untrue. I'm a fool to care. I know I should laugh and call it a day, but I know I would cry if you went away.

Vous écoutez RIG 90.7 si vous l'écoutez en FM. Mais si vous l'écoutez sur le net, c'est sur www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 522. Je suis votre hôte, Thierry Gallet. Je vous conduis sur l'hôtel des Beatles entre 1962 et maintenant, entre 20h également et 22h, tous les mercredis de septembre à juin sur cette radio. Alors profitez-en. L'album de la semaine, c'est l'album Wildlife de Paul McCartney, sorti en décembre 1971. Voici un nouvel extrait, Tomorrow, demain. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. C'était facile de vous présenter Tomorrow et de prolonger avec Yesterday. Et qui vous dit que la chanson suivante, ce ne sera pas Another Day? Eh bien, on verra bien. Yesterday, Paul se réveilla un matin dans sa chambre au dernier étage de la maison des Asher et avec en tête la mélodie de Yesterday. Il y avait un piano à côté du lit et y alla directement s'y asseoir pour la jouer. Tout était là, raconta-t-il plus tard. Une chanson complète. Je ne pouvais pas y croire. Bien qu'il n'eût pas encore de paroles, Paul craignit que ce soit un plagiat inconscient et que ce qui lui paraissait être un éclair d'inspiration ne soit en réalité que les réminiscences d'un vieux souvenir oublié. Pendant un mois, j'ai fait le tour des professionnels du disque pour leur demander s'ils avaient déjà entendu avant cette air-là. Je finis par me dire que c'était comme un objet trouvé. Si personne ne le réclamait, pendant un certain temps, ce serait à moi. Il lui donna alors un titre provisoire de Scrambled Eggs et se mit à chanter Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs. Qui, on va bien le reconnaître, ne va pas très très très loin, mais c'est juste pour poser la voix sur la musique. Il s'agissait d'une pratique usuelle. Et certains vers intéressants étaient parfois conservés dans les paroles définitives. Nous avons passé près de 4 semaines en studio pour le tournage de Help, se souvient Dick Lester. Il y avait un piano dans le studio et il jouait sans cesse ce Scrambled Eggs. C'est devenu tellement intolérable que je suis allé lui dire « Si tu joues encore une fois cette chanson, je vais enlever le piano. Finis là ou abandonne. » Paul a dû concevoir cette mélodie dans les premiers mois de 65. Mais il n'écrivait les paroles qu'en juin, durant les quelques jours de vacances au Portugal qu'il avait pris dans la villa de Bruce Welch, le guitariste des Shadows. Il y eut alors l'idée de choisir un titre en un seul mot, Yesterday. John déclara qu'il ne regrettait pas de ne pas avoir écrit cette chanson. C'était tout de même une belle chanson, reconnut-il. Les paroles étaient bien, même s'il trouvait dommage qu'il n'y ait pas de conclusion. D'autres ont jugé ce flou justement l'un des atouts majeurs de cette chanson. L'auditeur sait simplement qu'il s'agit de quelqu'un qui veut inverser la marche du temps, revenir vers le passé, vers l'époque qui précède un événement tragique. Son application est universelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Et la suivante, ça n'est pas un Another Day, mais c'est une très très belle chanson de George Harrison sur All Things Must Pass. Isn't it a pity? Montez le son, c'est la saga des Fab Four. Too many people

Bulldog sur RG dans la saga des Fab Four. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Wildlife. Et le titre même qui a donné son nom à l'album, Wildlife, par Paul McCartney sur RG. The word wild applies to the words you and me. N'oubliez pas que si vous voulez donner des conseils à vos amis pour pouvoir écouter la saga des Fab Four, et vous pouvez leur parler des podcasts qui sont sur, par exemple, je fais le tour, Podcast Addict, Apple Podcast, iTunes, Overcast, Google Podcast, Deezer, Spotify même, et d'autres encore, parce que si vous tapez sur Google la saga des Fab Four, vous allez découvrir qu'il y a énormément de sites qui diffusent les podcasts de cette émission, et même Dropbox, mon Dropbox personnel que je mets à votre disposition toutes les semaines pour pouvoir écouter la saga. Voilà, merci d'en parler autour de vous. Plus vous serez nombreux à écouter la saga, plus non, ça me rapportera pas d'argent, mais plus je serai content de pouvoir faire partager cette émission qui existe depuis bientôt 40 ans, 38 cette année. C'est déjà pas mal, puisque cette émission, je l'ai créée en 1984. Puisqu'on parle d'années, voici un message avant de retrouver Ringo, un message de notre radio à nous, RIG. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. RIG est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider RIG à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail. Direction @rigfm.fr. Direction @rigfm.fr. What's your love? What's your love is doing? to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around. This garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Cette chanson-là, Ringo Starr l'a composé alors qu'il était parti en vacances en famille en 1968 en Sardaigne. Lorsque Ringo refusa la proposition d'un repas de poulpe, le capitaine du bateau commença à lui raconter tout ce qu'il savait de ces animaux. Il m'a raconté qu'il parcourait le fond des mers et ramassait des pierres et des objets brillants pour se construire des jardins, expliqua Ringo. J'ai trouvé cela fabuleux, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais bien envie d'aller me reposer au fond de l'eau, moi aussi. J'étais parti en vacances parce que j'avais envie de m'éloigner un peu. Et oui, en 1968, pendant la séance pour l'album blanc, Ringo Starr a claqué la porte et on avait marre du groupe. Il avait l'impression que tout le monde s'entendait, mais qu'il le laissait de côté. Et lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a fini par revenir, il avait des gerbes de fleurs partout sur son kit de batterie. Et surtout que tout le monde lui a dit, mais non, mais moi je croyais que c'était toi qui t'entendais bien avec tout le monde et personne s'entendait avec moi, etc. Pour la plupart des gens, Octopus's Garden est une chanson pour enfants dans la veine de Yellow Submarine. Mais en 1969, George révéla qu'elle avait des dimensions cachées. Ah ouais, des dimensions cachées. Bon, bah, c'est pas grave. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Wildlife. C'est pas là encore l'album de la semaine, ce sera juste après. Pour l'instant, c'est John Lennon. John Lennon, sur son dernier album. L'album, c'est Double Fantasy. Et le titre que je vous propose, c'est Watching the Wheels sur RG. Et après, ce sera Wildlife, promis. Crazy. Dreaming my life away. C'est un rapport avec John Lennon. Voici sur Wildlife la chanson Dear Friend de Paul McCartney. Dear friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? True. probablement la seule radio à vous proposer cette chanson, Dear Friend, de Paul McCartney, puisque dans les radios généralistes, la plupart du temps, on vous passe le succès, donc ça aurait été sur cet album-là éventuellement Bebop, mais rien d'autre. Alors que ici, sur RIG, on peut se permettre de vous proposer les chansons que vous connaissez, mais également des chansons que vous connaissez moins, ou alors pas les fans. Les fans, bien sûr, on connaît cette chanson et on l'apprécie. Mais on vous propose d'autres chansons pour la culture musicale, qu'est-ce que vous voulez? Et puis c'est ça, la saga des Fab Four. Je vous propose maintenant, puisque nous arrivons à la cover, d'écouter Eric Clapton. Eric Clapton qui va nous chanter une chanson donc chantée par John, Paul, Ringo ou George avec les Beatles ou après les Beatles, même si eux-mêmes, ces quatre gars-là, faisaient déjà la reprise de quelqu'un, comme Chuck Berry par exemple, ou sur le cas de George Harrison quand il chante Baltimore Orioles, qui est une reprise des années 30 ou 40, et sur l'album en Angleterre là, le nom Somewhere in England, j'allais dire le nom m'échappe. Eh bien cette chanson là, cette reprise de Eric Clapton, c'est sur l'album George Harrison en 1979. En 1979, George nous chante Love Comes to Everyone. En 2005, sur l'album Back Home, Eric Clapton nous chante la même chanson et c'est très bien aussi. Pour la chanson suivante, vous savez, celle qui gravite autour des quatre de Liverpool, donc ceux qui ont travaillé avec eux, ceux qui imitent les Fab Four ou même leurs fils, ou etc., etc. Là, il s'agit de Mark Hudson. Mark Hudson, il est né le 23 août 1951. Il a fait partie de son propre groupe, les Hudson Brothers. Et il a travaillé quand même avec Aerosmith, Scorpion, Uzi Osbourne et d'autres. Et entre 1998 et 2007, il travaille sur 9 albums de Ringo Starr, compose avec lui un grand nombre de chansons et participe à ses tournées, avant qu'une brouille entre eux n'éclate au cours de la préparation de l'album Liverpool 8. Nous allons écouter une chanson et vous allez voir que le style qu'il avait donné à Ringo Starr correspond. Une chanson qu'il a publiée en 2014, ça s'appelle Forget You Too, sur l'album The Artist. Voici Mark Hudson sur RIG. Try off in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope plus cette chanson. Lucie dans le ciel avec des diamants, c'était à l'origine un dessin fait par Julian, le fils de John, qui est revenu de la maternelle, il n'avait que 4 ans après tout, et qui a dit à son père, c'est Lucie dans le ciel avec des diamants. Le reste, c'est l'imagination de John, et c'est une superbe chanson, Lucy in the Sky, sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Et auparavant, un instrumental de George Harrison sur l'album Wonderwall, sorti en 1968. Le titre était Red Lady 2. J'aime beaucoup vous passer des chansons que vous ne connaissez pas, comme la prochaine. La prochaine, c'est sur l'album Wildlife, mais la ressortie, le Remasters. Et le titre, c'est When the Wind is Blowing, du grand Paul McCartney. Thank you.

Vous qui êtes en train de manger un délicieux repas sous forme de crêpe au Twist and Crêpe à Talence, que vous ne connaissez pas Ringo Starr comme ça, eh bien, le mercredi, le restaurant Twist and Crêpe diffuse la saga des Fab Four. C'est sûrement le seul sur Bordeaux. Je ne sais pas après pour le reste du monde. Et j'envoie le bonjour à toute l'équipe, à Madeleine, à Agathe, à également Diane et Fabrice. Et puis, il en manque un, mais j'oublie toujours son nom. Bref. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez bien. C'est la saga des Fab Four pendant encore un gros quart d'heure. Et c'est la dernière, le dernier extrait de l'album de la semaine. C'est Some People Never Know sur RIG. Disagree that it's so. Mais c'est dingue, j'ai l'impression qu'il est 20h02, alors qu'en fait, il est presque 22h. Alors, on va se dépêcher, parce que si on ne se dépêche pas, on risque de rater le train. Vous savez, le 1 après 909, ça fait combien déjà ? Not to go away. dépêche, on se dépêche. Plus tard, tu diras ça plus tard. Vite. Ringo Starr maintenant. See the pyramids across the Nile. See the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the jungle when it's wet with rain. See the ocean from a silver plain. Just remember till you're home again, you belong. Vous savez quoi, Eric piétine derrière moi. Il est impatient de commencer son émission. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Et rendez-vous la prochaine fois. Je vous laisse entre de très bonnes mains, les mains chaudes, la voix grave et suave d'Eric dans quelques instants pour Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut.